Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du que je trouve à donner, tout l'amour que les yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton. Précieux auditeurs, nous avons un privilège tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous le savez que nous avons parmi nous deux témoins, les deux témoins qui sont annoncés dans la Bible, qui sont annoncés dans Apocalypse? Ils sont parmi nous, ces témoins tout-puissants du Seigneur. Apocalypse chapitre 11 en parle. Et là, au verset 3, dans la version Darby, parce que l'autre version que j'ai ne parle même pas de puissance, mais là, dans la version de Darby, au verset 3, « Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours. » 1260 jours, si vous comptez bien, il s'agit de 3 ans et demi. Et plusieurs fois, dans l'Apocalypse, vous trouvez ce nombre de jours ou 3 ans et demi. Eh bien, il s'agit de la tribulation. Et nous savons que l'Église, la Sainte Église, les chrétiens qui marchent fidèlement avec leur Seigneur, les chrétiens qui restent sur le chemin étroit, qui craignent leur Dieu, qui le révèrent, le Dieu Tout-Puissant, envoie son Fils. Nous savons que Jésus-Christ viendra enlever sa précieuse épouse, selon ce que le Seigneur nous promet dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Et si vous lisez dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9, vous voyez qu'elle est vêtue de fin lin, éclatante et pure. Voilà l'Église que le Seigneur Jésus viendra chercher et nous nous préparons. à cette venue, nous avons parmi nous les deux prophètes les plus puissants qui nous préparent parce qu'ils ont prié pour notre guérison par une parole de l'homme de Dieu, du prophète le plus puissant du Seigneur. Eh bien, ça suffit pour amener la guérison ici. Et maintenant déjà, avant ce service dont vous avez peut-être entendu parler, ce service de guérison qui aura lieu les 16, 17 et 18 août. Eh bien, avant déjà, tellement de miracles se passent. Et hier, nous avons entendu quelqu'un qui était infirme, qui s'est levé et qui a marché. Et cette femme, cette pauvre femme qui se sentait si sale, si impure, avec une perte, son sang coulait même le long de ses jambes. Pouvez-vous imaginer une telle profusion de liquide puant et foncé et sale qui sortait de son corps et sans arrêt, même la nuit, il fallait qu'elle se lève pour se changer, tout ce qu'elle avait mis pour se protéger. Et même, elle est venue à l'église. Et figurez-vous que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, pendant la nuit, le Dieu Tout-Puissant lui a montré cette femme, qui entrait dans l'église en disant « Je suis impure, je suis sale ». Elle avait honte de sa maladie et elle savait que ça sentait mauvais. Et elle est venue à l'église. Et après une demi-heure, il a fallu qu'elle sorte pour se changer. Et après 25 minutes, il a fallu qu'elle sorte à nouveau pour se changer. Elle, tout ce sang coulait et coulait et coulait jusqu'au moment où elle a senti la main de Dieu qui l'opérait sans douleur, qui enlevait son humiliation, qui enlevait ce mauvais pur dans son corps. Cette femme a senti la main du Seigneur qui enlevait cette terrible infection. Et il y a tellement d'autres miracles. Cette petite fille qui était infirme, qui ne pouvait pas marcher, elle se lève et marche. Dieu fortifie ses jambes. Le Dieu Tout-Puissant, le Père des cieux qui nous visite maintenant, qui visite le Kenya, eh bien, il a fortifié les jambes de cette petite et elle peut marcher maintenant. Et tellement d'autres miracles. Vous voyez cette femme, on avait enlevé son utérus. Un médecin très expérimenté avait dit « c'était si difficile à enlever cet utérus-là ». Eh bien, cette femme devient enceinte. On lui avait dit « si vous voulez un enfant, il faudra l'adopter ». Mais voilà qu'elle devient enceinte. Et quand on fait des radios, on voit qu'elle a un nouveau utérus. Le Dieu Tout-Puissant a créé un nouvel utérus chez cette femme qui a pu avoir un bébé. On a vu ce bébé dans ses bras, ce bébé du miracle, ce bébé qui est né d'un miracle, d'une création, que le Dieu Tout-Puissant a faite dans le corps de cette personne. Et même ceux qui ont des jambes trop courtes, une jambe trop courte qui les empêche de marcher sans béquille, quand cette jambe se rallonge, est-ce que là aussi ça n'est pas une création? Et ces paralysies cérébrales, cette petite qui devait avoir des formes en métal, qui se traînait avec un support pour se tenir debout, et maintenant on ne voit aucun signe de sa maladie. Le Seigneur l'a complètement rétabli, cette petite blessing, qui est maintenant une bénédiction pour sa famille. Parce que même l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, a même béni cette famille qui était si pauvre. Eh bien, l'homme de Dieu leur a offert un magasin. Il l'a rempli de nourriture et de toutes sortes de choses dont ils ont besoin. Et quand tout était vendu, il l'a rempli à nouveau, ce magasin. Et encore une troisième fois. Et dans un rassemblement, le prophète le plus puissant du Seigneur a ri en voyant cette petite s'avancer vers lui avec une petite carte. Il a remarqué ses souliers à talons à cette petite blessing. Elles portent des souliers à talons parce que ici au Kenya, on met des petits talons assez hauts quand même aux petites filles de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le Seigneur est si bon de nous bénir dans ce pays, de faire que tellement de gens se mettent à croire, tellement de gens consacrent leur vie. Ils ne vont plus au cinéma ou bien à la plage. Ils servent le Seigneur. Ils vont préparer l'église pour le dimanche. Peut-être ils vont trouver une veuve ou bien aider des orphelins. Ils vont trouver des malades pour les inviter à l'église où ils seront miraculeusement guéris. L'église, c'est simplement une tente qui pourra être agrandie. Parce qu'on sait que ces tentes où il y a peut-être une vingtaine de personnes, tout à coup, il y en a 100, et après 200, et après 1000, et après 2000, 10 000. Voilà comment se font les églises ici au Kenya. Parce que le Seigneur bénit, parce que le Seigneur est là, parce qu'il a son serviteur fidèle ici, qui agit, qui lui obéit parfaitement, qui est complètement soumis au Saint-Esprit, pour faire exactement ce que le Seigneur lui dit de faire. Parce que son rôle ici, quand Dieu l'a appelé, il lui a dit, va leur dire que le Seigneur revient, va les avertir, va le leur dire. Et maintenant, voilà 15 ans qu'il annonce cette venue du Seigneur, qu'il nous exhorte à renoncer au péché, à renoncer à l'immoralité sexuelle, à se détourner de la nudité, à se vêtir d'une manière sainte, à couvrir nos jambes. Combien nous sommes bénis d'avoir parmi nous ce serviteur fidèle à qui Dieu parle par voix. On peut lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 4, qui sont ces deux prophètes les plus puissants. Il est dit dans Apocalypse 11, verset 4, à leur sujet, ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, cet homme de Dieu. Il y a quelques années déjà, alors qu'il dormait à l'aéroport de Johannesburg, il dormait sur le sol de l'aéroport, sa tête appuyée sur son sac, parmi le bruit des annonces et tous les gens qui passaient. Pendant qu'il dormait, le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à lui. Il lui a fait voir l'église de ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur. Il a été élevé au-dessus du sol et il a vu ce qu'il a d'abord pris pour un tremblement de terre. Puis il a réalisé que c'était les morts qui sortaient de leur tombe. Il les a vus avec un corps glorieux, et non seulement un corps, mais encore un vêtement glorieux. Et il les a vus monter au ciel. Et dans cette même vision, il a aussi vu le cheval verdâtre, le cheval de la mort, qui a été libéré. Et ce cheval verdâtre a été filmé par les caméras de télévision qui faisaient un rapport sur des effusions de sang qui avaient lieu à la place Tahrir, au Caire, en Égypte. Si vous voulez connaître plus de ce ministère, vous pouvez chercher sur Internet le site en français. Voilà l'adresse. www.repente-prepare-chemin.org. Voilà ce qui se passe dans ce grand ministère. Tellement de choses s'y passent. Il y a tellement de miracles. Et dernièrement, juste quand l'homme de Dieu a annoncé les 16, 17, 18 août à réserver pour ce service de guérison, ne le manquez pas, ne le manquez pas, ne cherchez pas des excuses. Le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous visitera pendant ces 3 jours. Vous voyez, à Jérusalem, dans toute la ville, il y a environ 3000 hommes qui se sont déplacés, qui ont entendu du bruit, un bruit. Ils ont entendu quelque chose qui les a attirés là où étaient réunis ceux qui avaient suivi Jésus. Il y avait Marie, la mère de Jésus, et d'autres disciples. Ils ont vu descendre des flammes de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se sont mis à parler d'autres langues. Et ils parlaient en une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Et ceux qui les entendaient les comprenaient. Ils les entendaient dire les merveilles du Seigneur. C'était après que Jésus soit monté au ciel. Le Seigneur Jésus a été enlevé. Il est monté au ciel, comme l'Église montera au ciel. Enoch, lui aussi, a été enlevé. Il est dit qu'il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ses disciples l'ont vu monter avec son corps percé. Ses mains percées sont encore au ciel. Chaque fois qu'il apparaît à l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, notre Seigneur Jésus lui montre sa main percée. Et le prophète le plus puissant a vu que la blessure de sa main n'est pas guérie. Est-ce que nous continuons à le blesser chaque fois que nous péchons? Est-ce que c'est comme si nous lui plantons à nouveau un clou dans la main? Quand il est monté aux cieux, il leur a dit « Ne quittez pas Jérusalem, attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit ». Deux anges vêtus de blanc leur ont dit « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ici à regarder vers le ciel ?» Ce Jésus qui était élevé vers le ciel, que personne qui entend ce message puisse être de ceux qui regardaient l'Église monter au ciel. Que personne parmi nous ne reste parce qu'il est retenu par un péché, parce que son cœur n'est pas tout entier au Seigneur, parce que le chemin étroit était trop étroit pour vous. Les disciples n'ont pas été enlevés avec le Seigneur Jésus. Ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici? Regardons vers le ciel. Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alors, ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. C'est là que le Seigneur Jésus était au moment où il a été enlevé, sur la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin du sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils entrèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques d'Alphée et Simon Zélote et Jude, frère de Jacques. Tous ceux qui persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Pierre se lève et parle à ceux qui ont été attirés par le bruit. « Homme, frère, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit Saint a dite d'avance par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus, car il était compté parmi nous et il avait reçu en partage ce service. » Celui-ci, donc, s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité et, étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé, dans leur propre dialecte, Asseldama, c'est-à-dire champ du sang, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure soit déserte et qu'il n'y ait personne qui y habite, qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Il faut donc que, d'entre les hommes qui sont rassemblés avec nous, pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel, d'avec nous, il faut que quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques et Jean et d'autres disciples. Ils restaient dans cette chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous restons vraiment attentifs pour recevoir le Seigneur Jésus? Et on va voir ce jour de la Pentecôte après l'enlèvement de Jésus. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils ont besoin d'être ensemble. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, voyez, pas seulement les 12, tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, de toute nation, d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnant, disant, « Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage ?» Celui du pays dans lequel nous sommes nés, Parthe et Mède et Élamite, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce et le Pont et l'Asie et la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous, Romains, voyez, même des Romains s'étaient approchés, se sont étonnés d'entendre ce bruit. Ils sont arrivés là, ils étaient là à entendre les disciples, tous ceux qui étaient réunis avec Marie, avec Pierre, les Romains qui vivaient là, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, se disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ?» Et d'autres, se moquant, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Mais Pierre, il leur a dit, « Non, c'est le matin, ils ne peuvent pas être ivres. » C'est ce qui s'est passé là, à Pentecôte. Et pourtant, il est dit maintenant dans Agée, écoutons ce passage d'Asée qui dit que dans les derniers temps, la gloire, l'onction sera encore plus. Et moi j'ai entendu les deux prophètes du Seigneur dire qu'ils ont 3 fois plus d'onction, parce qu'ils ont l'onction de l'Ancien Testament, ils ont l'onction du Nouveau Testament et l'onction, puisque Agée dit qu'il y a plus d'onction. Il y aura encore plus d'onction, encore plus de présence du Seigneur avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Lisons ce qui est dit dans Agée, le livre d'Agée, chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit « L'argent est mien et l'or est mien », déclare le Seigneur des armées. Le verset 9 d'Agée chapitre 2, il dit « La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. » Et il va plus loin pour dire « J'écouterai ce que le Seigneur dira, car il parlera certainement de paix à son peuple et à ses saints. Il ne les laissera pas retourner à la folie. » Ici, il parle de ce pouvoir, de cette gloire qui descend sur cette terre maintenant, cette conversation, cette connexion entre le Dieu Tout-Puissant haut dans les cieux à son trône et l'Église, la terre, ici en bas sur terre. Dans le psaume 85, 85, verset 8, il dit « J'écouterai ce que Dieu, le Seigneur, dira, parce qu'il parlera sûrement de paix à son peuple. Et il dira, la dernière gloire viendra. Il ne les laissera pas retourner à la folie. » Ésaïe 9, verset 6, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il vient, cette gloire est pour lui, et elle est là pour préparer un chemin loin pour lui dans le cœur de tout homme. » Ésaïe 9, 7, il dit, dans les Bibles en français, il s'agit d'Ésaïe 6, sauf pour la version de John Darby. Et il dit à Ésaïe 9, verset 6, « Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dans son ardent amour, encore, il parle de cette gloire. La croissance, le développement de son gouvernement se passe maintenant par la gloire de Dieu, à travers la dernière visitation. C'est la dernière onction. Ésaïe 60, verset 7 dit « Tous les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi. Tous les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande agréée. Et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. » Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur. Vis-tu de majesté, Seigneur, tu restes. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es la source d'amour, de vérité. Nous prions, Saint. D'autres versions disent « Et j'ornerai ma maison de magnificence », parlant de la dernière gloire qui vient restaurer la maison. Je vous lis à nouveau Ésaïe chapitre 60, verset 7, dans la version Darby. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront vers toi, vers le Messie. Les béliers de Nébaïoth te serviront le Messie, une offrande agréée. Ils monteront sur mon autel et j'ornerai la maison de ma magnificence. Une autre version dit « et monteront à mon autel avec acceptation ». C'est une version anglaise. Dans Ésaïe 66, verset 12, il dit « car ainsi dit l'Éternel, voici, j'étends sur elle la paix comme une rivière et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous têterez, vous serez portés sur les bras et caressé sur les genoux. » Je vous le lis encore, Ésaïe 66, verset 12, dans la version du semeur. « Car ainsi parle l'Éternel, je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations, tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. » Il parle ici de la gloire de la restauration, la dernière gloire, un pouvoir historique, une onction historique. L'Élie de Dieu, l'Élie de la Bible, le plus puissant et terrible prophète d'Israël, vient restaurer la maison. Agée, chapitre 1, verset 8, il dit, je vous lis dans la version Darby, « Montez à la montagne, et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Il parle d'Élie, le plus loin de Dieu, qui vient des cieux, pour restaurer l'Église, pour nettoyer l'apostasie. Je vous lis encore Agée, dans la version du semeur. Agée 1, chapitre 8. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, je serai glorifié, déclare l'Éternel. Ici, il parle du temple, mais je crois qu'il s'agit de la maison de l'Éternel. Monte sur la montagne, apporte du bois de cèdre, pour construire ma maison. Il est venu des cieux, avec du bois de cèdre, pour construire en cèdre du bois spirituel, pour construire la maison de Yahvé, la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Messie vient, la gloire du Père est maintenant dans la maison. Élie, le puissant prophète, doit construire la maison dans le cœur des hommes. Agée 2, verset 3, dans la version du semeur. Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui a connu ce temple dans son ancienne gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme rien à vos yeux en comparaison? Cette apostasie! Maintenant, il a amené le pouvoir, l'onction, il a amené le prophète le plus puissant de Dieu avec du pouvoir pour restaurer cette maison. Et il dit, toute l'onction de l'Ancien Testament et toute l'onction, lorsque Jésus est venu, que le Messie avait, avec laquelle il a donné naissance à l'Église, et ensuite toute l'onction de cette dernière gloire, trois fois, ces trois onctions sont combinées dans le pouvoir pour restaurer l'Église. C'est un tel temps que nous vivons. Et il dit ici, Zacharie, chapitre 2, verset 5, dans la version Darby, « Car je serai une muraille de feu autour d'elle, dit le Seigneur des armées. Il est la gloire de la maison, maintenant. Préparez le chemin, peuple béni. Venez au rassemblement de Menengai à Nakuru au Kenya. » tout le monde. C'est très important. Dieu est concerné. Dieu est concerné par la rédemption des nations. Et il est lui-même impliqué dans la rédemption des nations. Il nous a envoyé l'onction des cieux. Il veut restaurer la maison, lui redonner l'autorité, la gloire de Christ, restaurer le sang, retourner à l'évangile de la croix, crucifier le péché, établir la justice, établir la sainteté, préparer un chemin saint, séparer l'Église comme l'espoir du monde et mettre aux ordures toutes les autres religions et conduire tous les hommes à Jésus, le Messie, mon Sauveur et mon Seigneur. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, vient de nous donner une prophétie où le Dieu Tout-Puissant avertit spécialement le pays du Kenya parce qu'il diffame. Il diffame les plus formidables, les plus glorifiés, les amis de Dieu, les confidents des cieux, les confidents de Jéhovah Yahvé, avec qui il marche en plein jour. Et il prend sa nuée de gloire pour les envelopper. Et cette nuée se pose sur eux. Et on peut enregistrer tout ça. Le Dieu Tout-Puissant est dans la nuée. Le Seigneur Puissant a encore instruit à la repentance. Il a dessiné pour le prophète sur un morceau de papier les cancers qu'il va envoyer aux Kenyans s'ils ne se repentent pas. Les cancers du cerveau, les cancers du sang, les leucémies, les cancers de la vessie. Et combien il a vu les hôpitaux surchargés de patients qui attendaient qu'on les opère du cancer. Les médecins avaient des pieds fatigués. Il luttait pour sauver les vies. Il les a vus lutter pour ramener un patient à la vie. Et le Dieu Tout-Puissant a dit « Frappé par le cancer ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont accusé les deux puissants prophètes du Seigneur qui ont amené la gloire de Dieu le Père dans ce pays, qui ont fait que ce pays ressemble à la Terre Sainte, le pays de Dieu, à cause de la diffamation. Essayez de diffamer la chair. La chair humaine, parce que vous êtes vivant, parce que vous mangez bien, parce que vous êtes habillé d'un complet veston de Turquie ou d'Italie et des chaussures. Maintenant, vous êtes plus grand que Dieu. Vous pouvez maintenant abuser de Dieu ou diffamer Dieu. Maintenant que vous avez vu toutes ces choses, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté les instructions à la repentance et à préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. À la place, ils essayent de tribaliser, ils essayent de nationaliser ces prophètes, ils essayent de les africaniser. Et vous voyez les statistiques stupéfiantes sur les types de cancers qui ont frappé les Kenyans d'une manière très choquante et historique que nous n'avons jamais vue auparavant. Et le Seigneur dit, le remède, c'est la repentance. Ils doivent venir et se repentir devant ces deux prophètes et plaider avec eux pour qu'ils crient, pour qu'ils parlent au Dieu Tout-Puissant, pour qu'il amène la rémission au pays, pour qu'il amène le salut au pays, pour qu'il amène la guérison et la délivrance au pays. Et vous voyez les dirigeants d'église du pays, ils agissent encore comme s'ils ne désiraient pas croire qu'ils sont les messagers que la Bible a promis. Parce qu'il y a une situation continuelle où ils sont choqués par la gloire et l'onction sur ces deux serviteurs. Aussi, ils ont essayé de les faire partir, mais ça n'a pas été possible. La gloire est si énorme, personne ne peut l'ignorer. Ils ont reçu la guérison qui est si formidable. Leur propre parenté est guérie des pasteurs et des dirigeants d'église de ce pays. Et donc, le jugement du Seigneur a été vu dans le pays. Aussi, le Kenya a besoin de se repentir selon l'instruction qui est venue en ce janvier 2017. Le Kenya a besoin d'observer une repentance nationale. Et seuls ces deux prophètes peuvent vous conduire devant le Seigneur. Sinon, le Seigneur verra une contestation. La pire chose que vous désirez que le Seigneur entende, c'est contestation. Un certain pasteur, quelque part, commence à les contester, eux sur lesquels la nuée s'est posée. C'est une tragédie, c'est une calamité. Et ensuite, il y a une seconde conversation à propos de la République démocratique du Congo, où l'homme de Dieu est allé parler de repentance, où le Seigneur a merveilleusement visité par des guérisons. L'homme de Dieu prédit une guerre dans ce pays. Et ensuite, il y a eu une troisième conversation où l'homme de Dieu a parlé des touristes qui se rendent en Israël, spécialement dans la mer morte, où ils vont en bikini, nus dans l'eau de la mer morte, disant « Voilà, le sel est bon pour la peau, la boue est bonne. » Et au lieu d'y amener la lumière, ils souillent le pays par leur immoralité, l'immoralité sexuelle. Le Seigneur a commandé à ces deux prophètes les plus puissants de réprimander les nations, ceux qui voyagent en Israël, parce qu'ils souillent le pays. Ils souillent le pays, la sainte propriété de Dieu. Ils viennent là pour le souiller de leur abomination et avec le péché sexuel. L'abomination du péché sexuel. Et après cela, alors le Seigneur a dit, « Mon nom doit être craint dans ce pays. Et il doit être une terre sainte. Moi-même, j'ai choisi Jérusalem pour être le centre de la terre et mon peuple de l'Alliance, Israël. » Et ensuite, les deux prophètes du Seigneur ont passé un jugement sur les gens qui voyagent de partout dans le monde pour aller et amener l'abomination de la nudité. Vous pouvez imaginer à quel point le Seigneur est le péché sexuel. Il dit, le péché sexuel est différent de tous les autres péchés. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Qu'ainsi n'advienne, ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle ? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Le péché sexuel est un péché que, lorsque vous commettez le péché contre le temple du Saint-Esprit, votre propre corps, et cette terre sainte que le Dieu Tout-Puissant a choisi pour lui-même, le centre de la terre, cette pièce de propriété où l'adoration, le centre de la terre qu'il a visitée pour parler avec les gens, où il a amené une visitation extraordinaire, le peuple qu'il a choisi, le pays qu'il a choisi, la terre sainte. Et ensuite, les gens voyagent de partout dans le monde et y amènent leur abomination, leur nudité et leur immoralité sexuelle. En Israël, ceci ne va plus être acceptable parce que le Seigneur a maintenant braqué l'attention des deux prophètes redoutables sur les visiteurs qui viennent comme touristes et souillent le pays avec de grandes abominations. Le Messie vient, et l'homme de Dieu pouvait voir très clairement le Seigneur parler avec eux. Le Seigneur a dit, « Les poissons que vous aimez, vous les mettez dans votre linge, et vous les mettez dans votre sac, et vous marchez avec vos sacs vers la mer morte, et ensuite, vous souillez le pays. Aussi, je les ai vus emballer du poisson dans des linges, des serviettes, et manger du poisson au bord de la mer morte. » Le Seigneur dit que tout ça arrive à une fin. Toutes ces abominations, aller là-bas et exposer sa nudité dans la terre sainte de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, il dirige l'attention sur l'état du pays de ces deux prophètes les plus glorieux. Parce qu'Israël est la nation choisie de Dieu. Ils sont le peuple choisi. Et Israël et Jérusalem, c'est le pays saint, la propriété que Dieu a choisie comme centre de la terre. Que le Seigneur soit craint, que le Seigneur soit honoré dans ce pays. Aussi, les gens qui voyagent de plusieurs nations et qui amènent l'abomination là-bas, qui vont et exposent leur nudité là-bas, le Seigneur maintenant leur a amené une notice. Et il dit, son nom doit être craint en Israël, parce qu'il désire y aller et aimer ses élus bénis pour racheter Israël, pour aimer Israël, pour protéger et défendre Israël, pour bénir Israël. Maintenant, les nations, les chrétiens et qui que ce soit, spécialement les chrétiens qui viennent de l'étranger, au lieu d'amener la lumière à ce pays, ils viennent et se couchent là, dans la nudité. Et ils disent, le prophète le plus puissant les a entendus dire, la boue salée et l'eau salée sont très bons pour la peau. Alors ils s'étalent là, dans la nudité. Aussi le Seigneur demande aux nations de la terre qui voyagent en Israël de maintenant se repentir et qu'ils visitent la terre sainte dans la révérence au Seigneur. Le Messie vient préparer le chemin. Peuple béni, précieux auditeur, le temps passe. Nous allons adorer le Seigneur et ensuite, si vous le désirez, je vais prier avec vous et vous pourrez répéter ma prière si vous désirez recevoir le Seigneur. Sois mon espoir. Consacrons-lui notre vie, il en est digne, il est le Dieu très haut, il est le créateur de tout l'univers, il est notre créateur. Alors venons à lui. Vous pouvez répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à tes pieds maintenant pour te demander pardon de toutes mes fautes, des péchés sexuels, des mensonges, du manque de respect pour toi. Seigneur, merci. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le puissant nom de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Père céleste, je te remets ces personnes qui désirent marcher avec toi, qui désirent t'honorer, qui désirent venir avec toi dans le ciel pour l'éternité. Dans le puissant nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie d'être resté à l'écoute pendant ce programme. Je m'appelle Pasteur Yvonne Auguet. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux ton salon et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le